les hommes dans leurs notes de musique. Tous ces croque-notes au refrain nostalgique. Est-ce qu'ils pensent qu'ils compensent, pensent leur plaie dans l'errance, dans le voyage du silence, l'absence. Un temps assez long pour combler nos vides, qu'à chaque saison fleurit une ride. Sur le front tic-tac qui s'égrène, funambule avance à peine. Hé, tombe pas. Non, je tiens le lard.